À l'occasion de la journée de la lutte contre l'impérialisme américain 25 juin, les organisations des travailleurs ont tenu le 23 juin des meetings pour jurer la vengeance devant le musée de Sinton et la maison d'éducation de classe de la commune de Susan. Y ont participé les permanents de l'Union de la jeunesse, de l'Union des travailleurs agricoles, de l'Union des femmes, les cadres intéressés, les jeunes étudiants, les membres de l'Union des travailleurs agricoles et les agriculteurs, les membres de l'Union des femmes. Les orateurs ont dénoncé les massacres perpétrés à Sinton et à Susan lors de notre repli temporaire stratégique par les impérialistes américains qui ont provoqué la guerre d'agression en juin 1950 pour occuper notre jeune république. Ils ont exprimé leur volonté de s'engager dans la défense de la patrie ensemble avec l'armée populaire si les impérialistes américains oublient la leçon de l'histoire et allument la mèche d'une nouvelle guerre pour balayer tous les ennemis et se venger à tout prix de la nation. En meeting, on a récité des poèmes qui jurent la vengeance.